voilà, me voilà, je me prénomme Nicolas. Depuis peu mon métier c'est arrêter les hors-la-loi. Avant on m'appréciait, dans le quartier j'étais chez moi. Maintenant que je suis policier, tous les jeunes me pointent du doigt. Dès que je passe devant eux, de travers et leur regard. Et dès que j'ai le dos tourné, on peut entendre sale bâtard. J'ai plus quoi faire, je vous assure que c'est très dur. À l'allure où les insultes sont taguées sur tous les murs. Heureusement que j'ai mes collègues pour me venir en aide. Ils me disent de tenir le coup car il faut pas que je cède. Je fais mon métier, ça peut les faire chier. Voir un policier dans le quartier. L'autre fois y'a une perquise devant chez moi. Donc ça servait à rien d'aller jusqu'au commissariat. J'attendais les collègues, ce jour-là il faisait froid. Assise du match, sorti du lit, donc en pyjama. Ce fut fini, parti pour me recoucher. Cette fois-ci c'était mon tour de me faire perquiser. Pire qu'un bélier qu'a défoncé ma porte blindée. 30 jeunes cagoulés, venus pour se défouler. Je vous raconte quoi, c'était une torture. 92 points de suture, je pense que c'était leur signature. Ouais, 92 points de suture. Je vous assure, c'était une torture. Je suis un condé dans la cité. Pourquoi suis-je autant détesté? Y'en a marre de se faire insulter. Les lois, je veux qu'elles soient respectées. Je suis un condé dans la cité. Pourquoi suis-je autant détesté? Y'en a marre de se faire insulter. Les lois, je veux qu'elles soient respectées. Je suis qu'un simple képi, c'est pas super passionnant. Mais bon, avec le temps, j'espère un poste plus important. Je me prends pas pour Gomez, encore moins pour Tafarès. Je suis qu'un officier de plus qu'il rêverait qu'on achève. Moi, je suis pas un corrompu. Dans les saisies, je ne prends rien. Je ne dirai pas les prénoms, y'en a qui en profitent bien. Malgré que je sois honnête, dans la cité, je suis banni. Je suis souvent tout seul, la solitude, c'est mon ami. Collègue, sérieusement, qu'est-ce que je devrais faire? Oh, dis donc, ignore-les, les jeunes sont dans la galère. Je voudrais bien, mais bon, les insultes, j'en ai ras-le-bol. Effraie-les avec ton flingue, ils feront moi les marioles. Sinon, ce que tu peux faire, un conseil, retiens les têtes. Et dès que tu patrouilleras, tu leur enfileras les gourmettes. Oui, oui, bonne idée, je vais en finir avec cette affaire. J'arrive plus à supporter, endurer ce calvaire. Je suis un condé dans la cité. Pourquoi suis-je autant détesté? Y'en a marre de se faire insulter. Les lois, je veux qu'elles soient respectées. Je suis un condé dans la cité. Pourquoi suis-je autant détesté? Y'en a marre de se faire insulter. Les lois, je veux qu'elles soient respectées. Pourquoi tant de haine? Je souhaite que faire appliquer les lois, qu'on aille tous dans le même sens, vas-y, quoi. Ta mère, toi et tes lois, ou là, on va te faire déménager de la cité. Quoi? Vas-y, dégage, on parle pas au condé ici. Je resterai, que ça vous plaise ou non. Ah, que ça nous plaise ou non. Oui, tout à fait. Aïe, aïe. Arrêtez, ça fait mal, ça pique. Arrêtez, bon bah je pars tout de suite, Ouais, casse-toi Oula. Reviens plus jamais dans la cité, y'a pas ce qu'on est dans la cité ici. J'suis un condé dans la cité. Pourquoi suis-je autant détesté? Y'en a marre de se faire insulter. Les lois, je veux qu'elles soient respectées. Je suis un condé dans la cité. Pourquoi suis-je autant détesté? Y'en a marre de se faire insulter. Les lois, je veux qu'elles soient respectées.